بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دل كفخ سيدان وبفضل الله عز وجل ونعمته on avait pu conclure le bab concernant les dua et les adhkar qui sont relatifs à ce qu'on va dire après takbirat al-ihram, c'est-à-dire dua al-istiftah. On a pu voir à travers ce chapitre-là que les dua qui étaient authentiques dans ce chapitre-là sont soit une sunna qawliya, celle que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien une sunna taqririya, celle dont le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a entendu d'autres sahabis et il l'a approuvé. Fait que ce soit celle dont le prophète a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam ou bien celle qu'il a approuvé, tous les deux sont légiférés d'être dit après le takbir de l'ihram. Le mieux lakin c'est de dire ce que le prophète a dit. Car قال النبي صلى الله عليه وسلم خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez certes à travers le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام un bon exemple. On avait pu voir qu'à les cas que si jamais une personne se contentait et disait dans dua al-istiftah alhamdulillah yahmad Allah subhanahu wa ta'ala faqat, que ceci inshallah sera légiféré et compté comme une dua al-istiftah. Car on a pu voir à travers le chapitre que certains des sahabis avaient fait un effort d'interprétation pour louer Allah Azza wa Jalla et le glorifier d'une manière dont le prophète alayhi salatu wasallam ne l'avait pas fait. Donc si jamais ceci était tawqifiyya, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de prononcer des termes autres que ceux dont le prophète alayhi salatu wasallam avait prononcé, al-Nabi alayhi salatu wasallam il aurait réprimandé ses compagnons qui ont fait un effort d'interprétation concernant dua al-istiftah. Et qu'à ذلك يعني ثبت عن عمر الخطاب رضي الله عنه qu'il disait une dua qui est propre à lui dont le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas prononcé, ou plutôt qu'il n'est pas connu qu'il ait prononcé. سبحانك وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. Cette dua, ce dhikr, il a été attribué au prophète عليه الصلاة والسلام, lequel l'imam Abu Dawood, Al-Tirmidhi, l'imam Ahmad, il a dit ce hadith-là n'est pas authentique. Lakin, il a été authentifié d'Ibn Umar, plutôt d'Umar al-Khattab, radiallahu anhu, qui avait l'habitude d'ouvrir la salawat, bidhalika al-du'a. Donc ceci nous montre qu'il faisait un effort d'interprétation concernant du'a al-istiftah. Comme qu'a rachimah Allah ta'ala, at-ta'awudh ba'da du'a al-istiftah, min al-ashya al-mashhuru'a, ce qui est légiféré, après avoir prononcé dua al-istiftah, c'est de prendre refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-shaykh hafidhahullahu ta'ala, wa min dhalika annahu yaqul a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Et il a pris ce dhikr, ou plutôt cette dua-là, à travers la parole d'Allah azza wa jal, fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billah min ash-shaytanir rajim. Car ba'da dua al-istiftah, c'est la lecture de l'Fatiha. Et la lecture de l'Fatiha doit être précédée de l'Istihadha, de prendre refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaytan al-Rajim. Fahana, on peut remarquer que Al-Shaykh Hafidhahullah Ta'ala n'a pas évoqué de hadith concernant cela. Or, il a été authentifié du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam d'une chaîne de transmission qui est sahih l'ghayriha, anahu kani yaqul a'udhu billahi min ash-shaytan al-Rajim min hamzihi wa nafkhihi. Ça c'est une dua qui est authentique du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam fi dua al-istiftah. Anahu kan yaqul a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Donc le hadith le sahih le ghayri rapporté par al-khamsa, c'est-à-dire ashab sunan et kadhalika l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Yani avec les différentes versions qu'il y a dans As-Sunan et dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, et ben ces versions-là se renforcent les unes des autres. Sinon, yani le hadith en lui-même, dans la chaîne de transmission, il y figure des rapporteurs qui sont qualifiés comme étant faibles, certains sont qualifiés comme étant inconnus, Donc yani, lorsqu'on regroupe toutes ces versions-là qui sont qui figurent dans As-Sunan, Al-Khamsa ou Al-Arbaha avec Al-Musnad l'imam Ahmed rahmahullah ta'ala, fa al-hadith yataqawwa ba'dahu bi ba'din, il devient sahih li ghayrihi kama dhakara dhalika Sheikh Ibn Hizam hafizahullah ta'ala. Fa Sheikh Al-Iryani hafizahullah ta'ala, il n'a pas évoqué ce hadith-là car il se peut qu'il s'est contenté de certaines versions et n'a pas trouvé les autres versions par lesquelles on peut renforcer le hadith. Le Cheikh Ibn Hizam, comme on a pu voir à travers, avec lui, yani à travers l'étude de Fath al-Allam, pas dans le livre, lakin, yani à travers les audios, lorsqu'il a expliqué, car lui-même dans le tahqiq de Bulugh al-Maram, il a évoqué que ce hadith-là n'est pas authentique. Mais dans l'explication de Fath al-Allam, il a expliqué que ce hadith-là, finalement, avec les autres versions, il devient Hassan l'Ghairihi ou bien Sahih l'Ghairihi. Fascine cette istihada-là, elle est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, c'est de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre shaytan ar-rajim, qui est qualifié comme rajim, c'est celui qui est lapidé, celui qui est rejeté de rahmatullah subhanahu wa ta'ala. On prend le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de shaytan. Et parmi le mal de Shaitan, Hamzuhu. Wal-Hamz, qala al-ulama, huwa al-junun. Qala ba'duhum, Hamzuhu, huwa al-junun. Wa min nafkhihi, qala huwa al-kibr. Yani, qu'il fasse tous les efforts afin que cette personne-là qu'il combat tombe dans dans l'orgueil. Nafkhihi, ay yanfakhu fiha, afin que cette personne se gonfle d'orgueil. Wa nafthihi, qala al-ulama, huwa al-shi'r al-batil. C'est les poésies dans lesquelles on retrouve du batil, des kalams qui sont vains. Ça peut être casé avec la musique. Il évoquait Rahona, ces trois choses-là, par lesquelles Shaitan, il combat Ben Adam, Al-Junun, Wal-Kibr, Wakadhalika Naham, Yani Bi Ashiyar Al-Batil, comme ont évoqué certains des ulama. Mahmakan, c'est une dua qui est légiférée. C'est une dua qui est légiférée, même si certains l'ont pas évoqué dans Husn al-Mu'min, lakin, comme on peut voir à travers la parole de Cheikh Ibn Hizam, certaines des versions renforcent d'autres. Lakin, est-ce que il est ja'iz, il est légiféré de se limiter et de dire a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim faqat, sans dire min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi? Ja'iz, as-sahih annahu ja'iz, parce que le Coran, il appelle à cela في كتاب الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Et là, la personne après qu'il a fait dua l'istiftah, il va entamer la lecture de l'Fatiha. Donc il lui est recommandé, on va voir le jugement, il lui est obligatoire même de prendre le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal du shaitan. Parce que là, il est évoqué l'ordre. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فاستعذ, c'est faire l'amr, qui est sous la forme impérative. Dans la ayah, il n'est pas dit, il n'est pas ajouté min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Donc il y a juste, comme a dit l'ulama, de dire ce qu'a dit le prophète alayhi wa sallam, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Et ça, c'est le mieux, car khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidées, c'est celle du prophète alayhi wa sallam, et sa parole alayhi wa sallam, elle ne fait que expliquer le Coran et ce dont Allah Azza wa Jalla lui a ordonné. Lakin, cependant, est-ce que il est légiféré de se contenter et de dire a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim? Le Coran, kazalika, d'apparence, légifère cela. Et même, il a été authentifié de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme c'est le cas dans le Musannaf de l'imam Abdurrazzaq al-San'ani, rahmatullahi alayhi, qui fait partie des ulama de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Il a évoqué un athar dans lequel Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, avait pour l'habitude, lorsqu'il voulait lire al-Fatiha, lorsqu'il voulait lire le Coran, de dire faqat, a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim, comme ça venait dans le Coran. Donc, yani, cette action et cette habitude qu'avait Umar, radiallahu anhu, de prendre le refuge auprès d'Allah, azza wa jal, avant la lecture du Coran, nous montre que lui aussi, il a compris que en apparence, la parole d'Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, que celui qui se contente de dire A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim, eh bien ce sera suffisant. Et s'il rajoute min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi, tasawwal alam, c'est le mieux, car c'est la guidée du prophète alayhi salatu wasalam. Et il nous dit Cheikh Ibn Hizam hafidhahullah ta'ala, il n'est pas authentifié du prophète alayhi salatu wasalam une istihada sans la ziyada de hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ce qui est authentifié du prophète dans l'istihada, c'est qu'il le faisait avec l'ajout de hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Naam. Et ça, c'est concernant Asiya, les formules qui sont légiférées pour cela. On en a deux. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ou on dit A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim faqat. Amma A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Fal-aziyada as-sami' al-alim, قال الشيخ ابن حزام حفظه الله تعالى, n'est pas authentique. A'udhu billahi as-sami' al-alim من الشيطان الرجيم لا شك ولا ريب في أن الله عز وجل هو السميع العليم لا سيما lorsqu'on demande l'istihada, tu demandes Allah عز وجل car il est audient, tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala car il est omniscient, donc il sait يعني subhanahu wa ta'ala ce que tu as besoin. فالمناسبة لجيدة, لكن est-ce que le prophète عليه الصلاة والسلام il est authentifié de sa sunnah qu'il a ajouté As-Sami' al-Halim lorsqu'il faisait l'istihada, Billahi subhanahu wa ta'ala min ash-shaytan ar-rajim. Le hadith il est venu dans ces termes-là, lakin la chaîne de transmission est da'ifa, elle n'est pas authentique, elle est faible. Et Cheikh Ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, il nous dit que cet ajout-là, As-Sami' al-Halim, il n'est pas authentique. Donc il n'est pas légiféré en tant que suivi du prophète alayhi salatu wasalam de dire cela. Lakin il faut se contenter de dire faqat a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ça c'est le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Tam. Alors, mas'alat athaniya, ma ma'na al-istihada billah subhanahu wa ta'ala min ash-shaytan ar-rajim. Al-istihada, c'est demander al-'awdh. Al-'awdh, c'est le fait de demander le refuge auprès d'Allah azza wa jall contre une chose que tu as peur, contre une chose yani dont tu appréhendes, contre une chose dont tu crains. Donc c'est le fait de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal d'une chose. Et là, en l'occurrence, c'est Shaytan, c'est la source du mal. Enfin, celui qui fait l'istihada billah subhanahu wa ta'ala et il demande sincèrement qu'Allah Azza wa Jal le mette dans un refuge contre le mal dans lequel il demande, contre le mal pour lequel il demande le refuge. Enfin, ça nous demande d'être sincère. Les ulama, ils ont dit, al-istihada, c'est sidq al-luju ilayhi subhanahu wa ta'ala, amma nakhafuhu. C'est le fait d'être sincère dans la demande de refuge contre la chose dont on craint. Le fait d'être sincère, car on peut trouver sur la langue des gens cette formule-là qu'est l'istihada, min ash-shaytan ar-rajim, lakin ce sont les gens les plus distants concernant les choses qui la rapprochent d'Allah et Azza wa Jal. Ce sont les gens dont on voit le moins prendre fil haqiqa al asbab pour pouvoir s'écarter, être prémunu du mal. Fa idi yasta'idhu billah min ash-shaytan ar-rajim, lakin cette personne là tu le vois yani c'est un kazzab, il s'écarte pas du mensonge, il s'écarte pas du riba, il s'écarte pas yani de as-sariqa, il s'écarte pas de an-namima, il s'écarte pas des choses yani dont il est ordonné de s'écarter et de prendre le refuge. Shaitan nous appelle à toutes les portes du mal. Et on trouve certaines personnes qui ne sont pas gênées de faire tel et tel mal. Enfin, celui-là, il est pas sincère dans son istihada. Celui qui n'est pas gêné de faire un mal, qui ressent pas qu'il est en train de faire un mal, ou que ça le gêne pas, et il demande l'istihada, billahi azza wa jal min al-shar, min al-shaytan, fa fil haqiqa hadha, c'est une personne, soit n'est pas sincère dans ses dires, ou soit elle est totalement insouciante. Ou soit, elle sait pas, yani, ce qu'elle est en train de demander. Il demande le refuge, lakin, c'est la personne la plus proche, yani, des sources du mal. Et c'est rare, c'est-à-dire, je fuis le mal. Ah, mais celui-là, non. Il est près du mal. Et il demande l'istihada. Comme une personne qui ouvre la porte du mal, et il demande le refuge contre ce mal-là. Lakin, il s'ouvre à lui-même, la porte du mal. Fait ça, c'est une personne qui, soit n'est pas sincère, ou soit ignore ce qu'elle est en train de prononcer. Enfin, lorsqu'on demande l'istihada, il faut que Al-Aql soit là. Il faut qu'on sache ce qu'on est en train de demander et il faut qu'Allah les cas en œuvre en conséquence. Ou illa, ça n'a pas de mahana, ça n'a pas de sens. De demander le refuge auprès d'Allah contre le mal, Lakin, de ne pas s'écarter du mal, ça n'a pas de sens. Après, il ne faut pas s'étonner si jamais on n'est pas exaucé. Al-istihada, c'est de demander une chose. Al-istihada, cette mad dalal, généralement dans l'arabe, lorsqu'on trouve devant un verbe, al-alif al-sinata, c'est bimana al-talab. Al-istihada et talab al-ouz, le fait de demander le refuge. Donc le fait que ce soit un talab, qu'on a pu voir dans le dua, il y a des shurut. Et parmi ces shurut, d'être distant du mal, d'être distant du péché. Le hadith, yani, concernant la personne, yani, kana fi safar, tam yakul ya rab, wa mat'amuhu haram, wa na'am malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa anna yustajabu li dhalik. Cette personne-là qui ne se souciait pas, de la source de son alimentation, de ce qu'il buvait, de ses vêtements. Et ensuite, il demande à Allah Azza wa Jal, yani, min fadlihi, de sa faveur. Fa il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام comment cette personne-là espère être exaucée. وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah عز وجل a évoqué qu'il est proche et que celui qui lui demande Allah عز وجل va exaucer sa demande. لكن بشرط فليستجيبوا لي. كذلك il faut qu'il réponde à mon appel. Et l'appel d'Allah عز وجل c'est d'être à l'istiqama. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Et c'est que yuhyina, ce qui nous fait vivre la vie agréable, c'est le fait de vrai. Al-ahmal al-saliha. Man amil al-salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui qui œuvre en bien, c'est-à-dire avec ikhlas et mutabaha, conforme à la sunna, qui soit une femme ou un homme, et qui est croyant, Allah Azza wa Jalla l'a dit, va lui faire vivre une vie qui est agréable. Donc, il faut qu'on réponde à l'appel d'Allah Azza wa Jal qui est de lui obéir. Ama celui qui est désobéissant et il demande à Allah Azza wa Jal, fa, si jamais tu veux qu'on te réponde, il faut répondre. Fa liyastajibou li. Il faut qu'il réponde lui aussi à l'appel. Wa liyuminou bi. La'allahum yarshudun. Fa, l'istihada, ça fait partie des du'a. Talab al-ouz. C'est le fait de demander le refuge. Donc, ça, les conditions qui sont requises pour la du'a sont requises kadaika dans l'istihada. Et parmi celles-là, le fait d'être distant des péchés, ou sinon, ça va être une cause qui va être un rempart entre toi et l'exaucement. Qu'est-ce qu'on avait pu voir par rapport au hadith, ودعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Demandez à Allah عز وجل en ayant la certitude qu'Allah عز وجل va vous répondre. Enfin, celui qui n'est pas distant des péchés, qui commet des péchés, qui ne demande pas le pardon à Allah عز وجل et qui ne fait pas de tawbah, enfin, il a aucune certitude. Il demande à Allah Azza wa Jal et il est dans le doute qu'Allah Azza wa Jal va lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'asbab lui permettant d'avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal va l'exaucer. Bel, il a un indice lui prouvant que Allah Azza wa Jal ne va pas l'exaucer car il ne répond pas à cette personne-là à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Fa l'istihada, si jamais vraiment on est sincère et qu'on veut s'écarter du mal, il faut déjà faire l'asbab de s'en écarter. Et ça demande de connaître le mal. Car comment s'écarter du mal si on l'ignore? Et ça demande na'am d'avoir un bourde, de détester cette chose-là. Il y a des choses qu'on déteste naturellement. Avant l'islam, on les détestait. Et avec l'islam, ça a ajouté du dégoût et de l'hostilité à ces choses-là. Lakin, il y a des choses dans lesquelles certains y retrouvent une lazza. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal shara'a al-hudud, qu'il a légiféré les sentences. Avec, en plus, le péché qu'il a, il y a des sentences. Celui qui vole, on lui coupe la main. Et à partir du moment qu'il a volé, qu'il atteint le seuil, yani, qui oblige que cette personne-là lui soit coupée la main. Pourquoi? Parce qu'il trouve une lazza à certains voleurs. Il trouve une lazza à travers cela. Kadalika zina. Shura'a fi dhalika celui qui le fait, et qui est muhsin, qui est marié, qui soit lapidé. Et si jamais c'est pas le cas, qu'il soit fouetté. Allah Azza wa Jalla a mis des hudud, des sentences, afin que on soit distant de ces péchés-là, car on peut y trouver une lazza. On sait que c'est haram, lakin on trouve à travers cela une lazza. Fa il faut avoir un bourde. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-'isyan. C'est important de demander à Allah Azza wa Jalla que il nous mette yani le dégoût yani de ces péchés là. Il faut qu'on ressente un dégoût des péchés. Donc ça demande kadhalika après la science d'avoir un dégoût parce que certaines personnes savent que ceci est haram lakin tu le vois tomber dedans. Pourquoi? Parce qu'il trouve yani certainement lazza. Ou bien il y a un dhaf al-yaqin, un dhaf yani fi al-khawf min Allah Azza wa Jalla. En ضعف الايمان بلقاء الله عز وجل car celui qui sait qu'Allah عز وجل est le raqib min asma'illah subhanahu wa ta'ala al-raqib, c'est-à-dire celui qui surveille, celui qui a la foi comme il se doit de juste de ce nom-là, il va craindre Allah Azza wa Jal, sirran wa alaniya. Car il sait qu'Allah Azza wa Jal le voit. Mais certains, ils ont un daf. Yani, benisbatil maraqaba. Dans le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal nous voit, il nous regarde. Il nous observe. Fa yan daf, et qui fait qu'on tombe dans les péchés. Lakin al muwaffaq man waffaqahu Allah, il tube ila Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout le monde fait des péchés. On est faible. Naam. Fa, al-istihada, ça demande ces choses-là. Connaître le mal avant, awalan. D'avoir un bourg de ce mal-là, et d'avoir un khawf min Allah et min taqwa, afin de s'en écarter. Et d'être sincère lorsqu'on demande le refuge auprès d'Allah et Azzawajal contre le mal. Amman, concernant le hukum de al-istihada, qabla al-qira'a, ikhtalafa al-ulama. Concernant le jugement de al-istihada, le demande de la refuge, avant de lire le Coran, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est mustahab? Qawlan 'inda al-ulama. Certains ont dit que c'est mustahab. Ils ont pris comme argument que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines des khutab, ça lui arrivait de évoquer des ayats min kitabillahi azza wa jal, des versets, sans que, auparavant, il ait pris le refuge auprès d'Allah azza wa jal, min ash-shaytan ar-rajim. Qu'est-ce que c'est le cas dans certaines munasabat, dans certaines kalimat, dans certains tawji, al-nasa'ih, il a évoqué des ayats, sans pour autant évoquer al-istihada. Fait, ils ont dit, le ulama, si jamais l'ayat était, ala umumiha, fait le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pris le refuge auprès d'Allah azza wa jal, wa istahada bihi, dans les khutab, car c'est clair qu'il a évoqué des ayats, dans ses mu'idha, dans ses nasa'ih, il aurait fait cela. Donc ils disent le fait qu'il a délaissé dans certains moments et certains endroits, dans certaines munasabah, al-istihada, ça nous montre que la parole d'Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, que cet ordre-là, en vérité, c'est pas un impératif, lakin c'est une recommandation. Donc, certains des ulama ont évoqué que c'est même mustahab, car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans certains des cas, ne le faisait pas. Certains comme l'imam Cheikh Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, ils évoquent que l'istihada, billahi azza wa jal, min ash-shaytan ar-rajim, avant de lire al-fatiha ou bien lire le Coran, c'est une chose qui est obligatoire. Car Allah azza wa jal a évoqué cela. Fasta'idh billah min ash-shaytan ar-rajim. Et la base dans l'impératif, c'est que c'est un ordre. Et que celui qui se décharge pas de cet ordre-là, il commet un péché. Concernant la parole d'Allah azza wa jal qui dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent les ordres du prophète, donc qui disent ceci fait partie des ordres émanant du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le jaza de celui qui ne s'en décharge pas? أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ, qui soit atteint d'une fitna, et certains ont évoqué que c'est la déviance des cœurs, comme l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, ou yusibuhum hadabun alim, ou bien qu'un châtiment avilissant les touche. Donc il dit, ça nous montre que la base des impératifs dans l'islam, c'est que c'est une obligation, et que celui qui s'en décharge pas a commis un péché. Donc il dit là, on est sur la base, fasta'id billah, min ash-shaytan rajim. Et ils ont répondu à ceux qui ont pris comme argument que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines des munasabah, il ne prenait pas, le refuge auprès d'Allah, azza wa jal, contre le shaytan, avant de lire une ayah. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, en réponse de cela, qu'il y a deux sortes de lectures. Il y a la tilawa qui est ma'rufa, la lecture qui est connue, tam at-tilawa, al-qira'a. Et il dit, il y a une tilawa qui s'appelle tilawa tul istidlal. C'est-à-dire que j'évoque la ayah, non pas pour, dans le but de la lire avec un tajwid, yani, de faire une lecture, lakin afin d'évoquer un dalil. Tam. Il dit, amma tilawa tul ayah, al-sabil al-istidlal, lorsqu'on évoque un verset du Coran, yani pour, argumenter, comme c'est le cas dans les khutab, comme c'est le cas dans les nasa'ih, et dit, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaytan al-rajim. Amma, lorsque tu lis le Coran, non pas dans le but d'argumenter, mais lakin dans le but, yani de la ibadah, la lecture qui est normale avec le tajwid, dans ce cas-là, tu es obligé de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la parole qui paraît, wallah alam, la plus juste. Et lorsqu'on regarde, c'est vrai que dans les khutab, c'est un istidlal, c'est un argument, c'est un but argumentatif, c'est pas dans le but de lire un verset, hein. Lakin, c'est dans le but d'argumenter sur un sujet. Enfin, la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, c'est une parole qui est jayida. Enfin, si jamais on lit le Coran dans le but d'argumenter, comme c'est le cas dans les khutab, nasa'ih, dans les mu'idha, dans les conférences, dans ce cas-là, il est recommandé, ce n'est pas obligatoire, de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal min ash-shaytan rajim. Amma si jamais c'est dans le but de lire, bit tajwid, yani la lecture normale, fait dans ce cas-là, ça devient une obligation. Na'am. Kazalika min al-masail, hal yusarru biha, est-ce que on doit la dire avec discrétion ou bien on peut la dire à voix haute? Comme on a pu voir la base dans le al-dhikr et dans le du'a, c'est le fait de, c'est le, il faut que ça soit fait à voix basse. Il faut que ça soit fait avec discrétion. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Implorer Allah Azza wa Jal avec humilité et discrétion. Et ça, ça fait partie des du'a. Al-istihada, ça fait partie des du'a. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Donc, à la base, c'est qu'on doit dire cela avec discrétion, c'est-à-dire qu'on s'entend nous-mêmes et on n'élève pas la voix concernant al-istihada billahi Azza wa Jal min ash-shaytan ar-rajim. Ça, c'était concernant l'istihada. Inch'Allah, on va rajouter une mas'ala, kazalika, qui est tout aussi importante, et dont Cheikh n'a pas évoqué, mais bon, elle est connue auprès de tous, mais ça fait partie des adhkar, qui sont muhimma jiddan, comme on va le voir, inch'Allah, tabarak wa ta'ala, parce que là, il passe directement au adhkar de ruku'. Avant cela, il y a quoi? Il y a la basmala. La basmala, kazalika, on est obligé de l'évoquer comme adhkar. Pourquoi? Parce qu'à la sahih, la basmala fait pas partie de la fatiha. Elle fait pas partie de la Fatiha. Khilaf bayna al-ulama, est-ce que la Fatiha fait partie de la basmala? Sahih annaha, elle fait pas partie de la basmala, de la Fatiha. Dalilu dhalika al-hadith al-qudsi. Qasamtu salam bayni wa bayna abdi wa li abdi masal fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah azza wa jal hamadani abdi wa idha qala إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال يا مالك يوم الدين قال من جدني عبدي تام معروف الحديث تام. Et le prophète, il a commencé directement le hadith en disant que, plutôt dans le hadith al-Qudsi, Allah Azza wa Jal évoque que lorsque le serviteur est dans la prière et qu'il commence la prière et il dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » parce que dans le début du hadith Afan, il dit au début « Qasamtu Salat » parmi les noms de al-Fatiha, as-salah, parce que c'est le pilier de la prière. Al-Fatiha, c'est le pilier de la prière. Le deuxième pilier qui vient après, takbir de l'ihram. Parce qu'on ne peut pas être en prière que si jamais on fait takbir de l'ihram. Après, ce qui en suit comme le pilier fondamental, c'est de lire la Fatiha. De lire la Fatiha, et c'est un pilier qui revient dans chacune des rak'ah. C'est pour ça que c'est un pilier qui est fondamental. Et la Fatiha, ma'rouf, yani, ce qu'elle recueille comme valeur et comme khair. Fa'il dit, Allah Azza wa Jalla dans le hadith, Al-Qudsi qasamtu salat. Qasamtu salat, j'ai divisé Al-Fatiha en deux parties. Une partie pour le serviteur, une partie pour moi, une partie pour le serviteur. Et le serviteur a ce qu'il demande. Et dit, si jamais, lorsque le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc là, il parle d'Al-Fatiha. Tamsil al-Ulama, ils ont dit, si jamais, Al-Basmala ferait partie d'Al-Fatiha, Allah Azza wa Jal aurait évoqué dans le hadith al-Qudsi, lorsque mon serviteur dira, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je dirai ceci et cela. Donc le fait que Al-Basmala n'a pas été évoqué dans ce hadith qui décrit Al-Fatiha comme étant une salah, comme étant une dua qui est divisée en deux, sana et dua, donc ça nous montre que Al-Basmala ne fait pas partie de quoi? D'Al-Fatiha. Alors c'est le qu'il est sahih. Qal ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est une ayah, c'est un verset, qui a été descendu afin de pouvoir différencier entre les sourates. Afin de savoir quand est-ce que se finit une soirée et quand est-ce que débute une nouvelle soirée lorsque le prophète, alayhi wa sallam, yani lui, on lui a révélé les choses, il connaissait la fin d'une soirée avec la basmala. Lorsqu'il y avait la basmala, il savait que ce qui a été évoqué avant a été, parachevé et on va lui évoquer une nouvelle révélation. Fassahih al-basmala fait pas partie de la fatiha. Donc, ça fait partie de al-dhikr. Al-basmala même c'est une dua, c'est le fait de demander l'aide auprès d'Allah et Azza wa Jal. Le bas dans Bismillah, c'est le fait de prendre l'aide auprès d'Allah. Et ça, c'est important. On prend le refuge auprès d'Allah et Azza wa Jal contre le mal de Shaitan, afin qu'il ne nous fasse pas de mal dans notre prière, afin qu'on soit pas distrait, afin qu'on soit concentré. Incha'Allah, tabarak wa ta'ala. Et كذلك الآن الصلاة. Afin d'avoir la pleine récompense, il faut qu'Allah t'aide. Enfin, on demande l'aide auprès d'Allah. Bismillah. Je prends l'aide auprès d'Allah et Azza wa Jal. Comme on a pu voir, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla ala tahwila li min ma'ziyatin an ma'siya. Il ne m'est pas possible de m'écarter d'un péché sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Wa la quwwata li, et je n'ai pas la force de pouvoir accomplir une œuvre dans le bien, excepté dans l'aide, excepté si Allah Azzawajal m'en donne la force et m'aide. Donc, al-basmala, c'est important jiddan. Même si jamais al-an, ma huwa hukmuha, vu qu'elle ne fait pas partie de l'Fatiha, hukmuha, c'est qu'elle est mustahabba. Il n'y a aucun dalil qui nous montre que al-Fatiha, elle est obligatoire. Lakin, il est ma'rouf que, ça fait partie de l'istihana. Et c'est important de prendre l'aide auprès d'Allah Azzawajal. Lorsqu'on fait les choses, c'est mustahab, c'est pas wajib. Si jamais elle ferait partie de l'Fatiha, na'am, ça devient un rukn. En fait, on va dire cela parce qu'il y a un khilaf. On va respecter la divergence. Celui qui a la conviction qu'elle fatiha, qu'elle basmala, a fait partie de l'Fatiha, fait la basmala, pour lui, ça devient un rukn, un pilier parmi les piliers de la prière. Car elle fait partie de la basmala, de la Fatiha. Car elle fait partie de la Fatiha. Celui qui a la conviction qu'elle basmala ne fait pas partie de la Fatiha, fa pour lui, al-basmala ne sera pas considéré comme un pilier. Et ça, c'est important jiddan. C'est-à-dire que celui qui ne dit pas basmala, salatuhu, plutôt la raka'a qu'il aura fait, elle est batala, il faut qu'il la recommence. C'est-à-dire que celui qui a la conviction que basmala, c'est pas une obligation, mais c'est mustahab, s'il a oublié de la dire, il poursuit. Il poursuit et ce sera un manquement, ce sera une aide qu'il n'a pas prise, et ce sera, yani, peut-être un manquement dans la pleine récompense. La chaque va l'arriver. Elle est importante. Jiddan. Dernière mas'ala, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce que il est recommandé de élever la voix lorsqu'on prononce la basmala? Qu'à les cas, il y a un khilaf qui est énorme auprès de la main sur ce sujet-là. La kin l'avis qui est sahih, c'est que il n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé d'élever la voix lorsqu'on prononce la basmala. Les dalils qui prouvent cela, le hadith de Anas ibn Malik رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بحمد لله رب العالمين. Que le prophète عليه الصلاة والسلام, Abu Bakr et Umar رضي الله عنهما, ils ouvraient leur prière, c'est-à-dire les choses qu'on entendait à haute voix, avec Alhamdulillah رب العالمين. Donc ils prononçaient pas à voix haute al basmala. Ça nous montre que c'est la sunnah. Ça, c'est la sunnah. On ne dit pas que c'est une obligation de le faire en discrétion. Lakin, on dit que c'est mustahab, car le prophète ne l'a jamais fait. Et il n'a pas kazalika interdit de le faire à voix haute. Donc, on dit que c'est mustahab de le faire à voix basse. Et que c'est khilaf al-awla. C'est khilaf al-awla, le fait de le faire à voix haute. Kazalika min al-adilla fi dhalika, comme on a pu voir hadith qasamtu salah bayni wa bayna abdi nisfain, et que Allah a dit, lorsque mon serviteur dira Alhamdulillah Rabbil Alamin, il n'a pas dit Bismillah Rahman Rahim. كذلك من الأدلة في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم numéro 599 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله بحمد لله رب العالمين ولم يسبق. Que le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il se levait pour la deuxième unité de prière, il ouvrait, يعني, à voix haute, cette deuxième unité de prière par le fait de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça nous montre qu'il ne disait pas à voix haute Al-Basmala. Et d'autres adillah fi dhalika, on va conclure cela par un qawl de Ibn Abbas radiyallahu anhuma kama fi musannaf li Abd al-Razzaq, le volume 2, la page 79, d'une chaîne de transmission qui est authentique, authentifiée par notre cheikh Ibn Hizam habibahallahu ta'ala, dans lequel il est dit أنه قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. ابن عباس avait pour habitude de dire que celui qui disait بسم الله الرحمن الرحيم à voix haute, ceci est la lecture des bédouins. Donc ça, yani, c'est un dham, yani, réprimander les personnes qui élevaient la voix lorsqu'ils disaient بسم الله الرحمن الرحيم. Les autres ulama, comme c'est le cas des Shafi'iyya, énormément les Shafi'iyya, ils disent que al-basmala, il est légiféré de la dire à voix haute. Et ils prennent comme adilla fi dhalika le hadith de Abi Huraira, fa idha qara'tum al-fatiha fatihat al-kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha. Donc ce hadith il dit que Abi Huraira a dit, lorsque vous lisez le Coran, lorsque vous lisez le Fatiha, lisez bismillahir rahmanir rahim. Lakin hahuna, on peut pas comprendre qu'il a dit il faut le lire à voix haute. Il nous a dit de le lire. Nous, on dit pas qu'il faut pas le lire. Lakin, al-an, est-ce qu'il faut le lire à voix haute ou pas? Tandis que là, il est dit, que si vous lisez le Fatiha, lisez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, il n'y a pas de divergence par rapport à cela. Certains ont pris cette preuve-là. La Kinfil Hakika, ce n'est pas une preuve qui montre qu'il faut élever la voix dans la Bismillah. Là, il a dit, lisez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car elle fait partie de la Fatiha. C'était son avis. Khilaf, comme on a pu voir. Est-ce que la Bismillah fait partie de la Fatiha? Sahih, c'est que elle n'en fait pas partie. Ibn Abbas, voyez le contraire. Kazalika le hadith de Umi Salama, dans lequel on lui a posé la question concernant la lecture du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, fa wasafat. Elle a qualifié la lecture du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fa, lorsqu'on lui a posé la question, elle a, décrit par un exemple, yani concret, par un exemple, yani audible, la lecture du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fa, elle s'est mis à lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En leur montrant comment le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lisait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mathalan. Fa, elle a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, harfan harfan, qira'atan bati'a. Fa, il le lisait, yani harfan harfan, c'est-à-dire qu'il donnait le droit à chaque lettre, il les prononçait, yani correctement, makharj al-huruf, et il lisait lentement, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fa, on ne comprend pas à travers cela que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il disait le Bismillah à voix haute. Elle a seulement décrit comment lisait le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et elle a pris comme cela, pour exemple, yani pour leur clarifier comment était la lecture du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, elle a pris al-basmala, et elle s'est mis à lire al-basmala en leur disant, voilà, il lisait comme cela. Donc, certains ont compris que le prophète lisait à voix haute, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, al-basmala. Non, elle a voulu à travers cela citer un exemple à travers lequel elle décrit la lecture du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves les plus qawiyah, et on ne peut pas appeler ça comme une preuve, lakin le athar de Umar ibn Khattab radiallahu an, comme il est authentifié cela dans le Ma'ani al-Athar de l'imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, an Abdurrahman ibn Abza, qala salitu khalfa Umar ibn Khattab radiallahu anhu, qala fajahara bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Fa Umar ibn Khattab radiallahu anhu, il est connu, comme l'a évoqué Abdurrahman ibn Abza, il a pris derrière lui, il a dit, le Umar al-Khattab radiallahu anhu a évoqué la basmala à voix haute. Enfin, ça c'est thabit an Umar ibn Khattab radiallahu anhu qu'il a dit cela à voix haute. Kazalika n'am de c'est venu kazalika de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu annahu iftataha as-salah wa qara'a bismillah ar-rahman ar-rahim. En fait là ça montre pas qu'il a dit à voix haute mais qu'il a lu bismillah ar-rahman ar-rahim. Al-muhim yani c'est authentifié de qu'est dans les cas de Abdullah ibn Zubair, que lui aussi il avait évoqué à voix haute al-Basmala. Fait certains de Sahaba et parmi eux, Abu Huraira, ou parmi eux, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui avait élevé la voix lorsqu'il disait Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Dans ce genre de situation-là, lorsqu'il y a un khilaf, qu'est-ce qu'on fait? Allah Azza wa Jalla nous a montré la voix. Qala jalla wa ala, wa ma khtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Fa in tanaza'tum fi shay'in fa rudduhu ila Allah wa Rasul. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une divergence? On regarde le Kitab et la Sunna. Et ce qui est évoqué du Kitab et la Sunna, nous le suivons. Il est évoqué du Kitab et la Sunna, plutôt de la Sunna, que le prophète ne l'a pas fait. Comme l'a dit Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik est bien placé pour cela. C'était quelqu'un qui était au service du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Au point où son surnom est Khadim al-Nabi. Kana yakhdum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son laqab c'était Khadim al-Nabi. C'est celui qui était au service du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fait nous évoque que ni le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr, ni Umar, ont fait cela. Ça nous montre déjà, awalan, que Umar, ne faisait pas cela tout le temps. Comme on a pu voir, il l'a fait. Ça nous montre que ça, il l'a fait rarement, parce qu'il dit, kana, c'est-à-dire, c'était une habitude qui était observée chez Umar ibn Khattab, qui ne faisait pas cela. Donc ça nous montre, wallah alam, comme l'ont évoqué certains des Hanabila, que Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, il l'a fait pour une maslaha, pour un intérêt, pour une chose particulière, pour un, il l'a fait pour un sabab, pour une cause bien particulière, qui est peut-être qu'il y en ait afin d'éduquer les gens et leur apprendre qu'on doit dire al-basmala. Ne pas croire que lorsqu'on commence et on dit alhamdulillah rabbil alamin, que nous ne disons pas al-basmala. Ça peut être dans ce but-là, comme l'ont évoqué certains de ulama, min al-hanabila et kadhalika shaykh al-islam rahimahullah ta'ala. C'est pour ça qu'il dit shaykh al-islam, dans majma' al-fatawa, rahimahullah ta'ala, une parole qui est nafiha. Dans lequel il dit, rahimahullah, dans le Mujallad, le 22e volume, la page 436. Il dit que, si jamais on se retrouve dans un cas de nécessité, comme c'est le cas maintenant, il y a d'énormes divergences. Certains suivent tel madhahib et l'akhiri, comme c'est le cas au Yémen, mathalem. Et je vais vous citer un exemple sur cela, qui va laisser apparaître ni la bonne compréhension de Cheikh l'Islam par rapport à cette divergence-là. Il dit, même si jamais nous savons que la sunna n'est pas d'évoquer à voix haute al-basmala, la kin de le faire en discrétion. Parce que c'est la base dans le dua et c'est la base dans le dhikr. Cependant, il y a certains de sahaba qui l'ont fait. Mais nous interprétons ces actions-là de certains sahaba comme des cas d'exception. Ils l'ont fait pour une maslaha muayyana. Il dit donc, dans ce cas-là, il est légiféré kadhalika, inshallah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on se retrouve face à un dilemme. Tu te retrouves imam et derrière toi, il n'y a que des shafi'iyya. Des personnes qui sont habituées à ce que tu dises bismillahir rahmanir rahim. C'est la première fois que tu les rencontres. Tu n'as pas eu le temps de leur instruire que la sunna dans cela, c'est que c'est mustahab de ne pas le faire à voix haute. Dans ce cas-là, il dit, c'est mieux de délaisser cette sunna-là et de préserver al-ukhuwa ou la fraternité, afin que ça fasse pas un khilaf, il y en a qui est beaucoup plus grand. Parce qu'à la fin de la prière, il se peut que ces personnes-là s'énervent. Comme ça a été le cas au Yémen avec un shir, dont je ne citerai pas le nom. Il a prié dans une mosquée qui était, ils appelaient, il y a une mosquée de souk, à Sanaa, qui était en plein milieu d'un marché dans lequel ils vendaient du qat. La plante qui est connue, qui est comme une drogue, qui est utilisée au Yémen, à Djibouti, en Somalie, elle est dans l'Afrique de l'Est, et dans le bas de la péninsule, surtout chez les Yéménites. El Mouhim, c'était une mosquée qui est connue, dont ces personnes-là qui fréquentaient la mosquée, ce sont des personnes qui sont nerveuses, qui prennent le qad et la fête. Fait dans khutbah du Jumu'ah, khutbah jamila jiddan, fait le cheikh à la fin, ensuite il a lu al-Fatiha, c'est-à-dire qu'il a pris la prière, et il n'a pas évoqué la basmala ou haute, parce que c'est la sunna. La kin derrière lui, il avait des personnes qui ne voulaient pas comprendre cela. Fait lorsqu'il a fini la prière, fait ils l'ont insulté de tous les noms, ce cheikh-là, très connu, hein, un grand cheikh, qui fait partie des mashaykh al-kibar, il y en a fait le Yémen. Ils l'ont insulté de tous les noms. Ils ont tous recommencé la prière. Ils lui ont dit, t'es un kafir, parce que celui qui délaisse al-basmala, il a délaissé le Coran, parce que c'est un verset qui est dans le Coran, et celui qui délaisse un verset du Coran, il a kafir billah. Falmuhim, ça a failli en venir aux mains, ça fait une fauda qui n'était pas possible. Moi, j'avais du mal à comprendre la parole de Cheikh l'Islam qui disait que, pour la maslaha, il est bien des fois de délaisser une chose qui est mustahabba. Je me disais, mais non, la maslaha, c'est la sunna, c'est que la sunna soit apparente. Et lorsque j'ai vu cette situation-là, là, j'ai bien compris la parole de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, parce que ça a failli en venir aux mains et ça a failli aller très très loin. Donc, il y avait un cheikh qui était hakim, Abdurraqib al-Kokabani, rahimahullah ta'ala, kadalika asana, il m'avait évoqué la parole de Cheikh l'Islam, kadalika, et il a dit, moi, lorsque c'est le khutbah de Jumu'ah, amma qu'on s'est salat al-khams, il a dit, la plupart, c'est tous là qui sont présents, lakin al-Jumu'ah, il y a l'awam qui viennent. Et on connaît, Yémen, c'est la plupart, ils ont la aqida de Shafi'iyya. Il dit, lorsque c'est le Jumu'ah, lakin, moi, je chuchote, je fais un petit, comme ça, histoire qu'ils comprennent que j'ai dit la basmala. Après, voilà, ils vont pas chipoter, est-ce qu'il a dit, de tel et tel décibel. Enfin, ils comprennent qu'il a dit le basmala. Et comme ça, yani, moi, j'ai dit la basmala, pas à voix haute non plus, mais en même temps, yani, ça évite, yani, les problèmes. Enfin, dans ce genre de situation-là, comme l'a dit Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, et c'est pour ça, peut-être que certains des sahabis, comme c'est le cas d'Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, ils ont évoqué la basmala à voix haute, alors que leur habitude était de le faire à voix basse. Peut-être pour une maslaha. Les ta'lim, afin d'enseigner aux gens qu'on doit dire al-basmala, ou autre parmi les causes et les excuses. Enfin, c'est comme cela qu'on doit interpréter les paroles des sahabis qui ont, évoqué la basmala à voix haute, qui l'ont fait pour une cause, yani, bien précise. La kina sunna, c'est le fait de le faire à voix basse. La kina, dans un cas où tu crains qu'il y aura une grosse fitna, il vaut mieux délaisser une chose qui est mustahab. Parce que c'est mustahab. Le fait de le faire à voix haute, on peut même pas dire que c'est makruh, que c'est détestable. Parce que le prophète ne l'a pas interdit. Al-makruh, il faut bien comprendre ça. Il y a des gens qui comprennent pas cela. Ils pensent que le makruh, c'est le fait de ne pas faire le mustahab. Non. Le makro, c'est le fait de faire une chose dont le prophète a interdit mais qui n'est pas haram. Ça, c'est le makro. Amma, le fait de délaisser le mustahab, on dit ça, c'est khilaf al-awla. Et c'est-à-dire qu'il a délaissé une chose qu'il ne devait pas délaisser. Et ce qu'on appelle ça makro, ils appellent pas ça makro. Le makro, c'est la chose qui est interdite, que le prophète a interdite, laquelle dont celui le fait n'aura pas commis un péché. Le prophète, alayhi salam, il n'a pas interdit de dire la basmala à voix haute. Lakin, il ne l'a pas fait. Donc le fait qu'il ne l'a pas fait, on dit que c'est une sunna, c'est mustahab. Sunna fi'liya. Il ne l'a jamais fait à voix haute. Donc il faut le faire à voix basse, ça c'est la sunna. Lakin le fait de le faire à voix haute, est-ce que c'est makrouh là? C'est khilaf al-awla, lakin on a des athars de certains sahabis qui l'ont fait à voix haute, l'il maslaha, lorsqu'on craint, مثلا, il y a des gros problèmes, c'est pour éviter le problème, la basse, qui chuchote comme ça, bismillahirrahmanirrahim, il a un micro, le micro, il va augmenter la décibel de sa voix, ils vont entendre, ils vont comprendre que, il a dit bismillahirrahmanirrahim, lakin, malgré cela, derrière cela, il faut leur expliquer, qu'à notre époque, il y a différentes interprétations, il y a différents madahib, même si jamais les madahib, nous, n'attaquons pas qu'il y a un bida, il y a rien qui prouve cela, lakin, c'est une chose qui est réelle, auquel on est confronté. Certains, ils ont des positions. Certaines des mazahib, ils ont la vérité avec eux. Lakin, on parle le fait de s'affilier à un mazahib. Ça, il n'y a rien qui prouve cela. Les sahabis, ils ont bien vécu, c'était les meilleurs parmi nous. Il n'y a aucun qui s'est affilié au mazahib de Omar, de Ben Abbas, et ceci, cela. Ils ont bien vécu, c'est les meilleurs. Et les tabi'i, kazalika, c'est la même chose, ou atba'i tabi'in, même ces a'immala, qui sont l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, et Abu Hanifa, aucun de ces quatre-là a appelé à ceux qui ont le suivent. C'est les gens qui sont venus derrière, qui ont eu un ta'assoub lahum, et hasala ma hasala. Il y a des khilaf dans la umma. Enfin, on leur explique. Billati yahsan, que la basmala, on doit la dire à voix basse. On leur explique kazalika. La bouddha mena ta'alim. Faut pas se cacher non plus derrière le khilaf et se dire, ah, il y a un khilaf, donc, il faut leur expliquer, il faut qu'on leur, il y a un ta'alim, la bouddha min. Tu le fais à voix haute, t'as, lakin barda al-jumu'a, mathan, ou barda al-mu'ida, barda la conférence, tu leur expliques que je vais faire la basmala à voix basse, à voix haute, parce que je sais que vous êtes des personnes qui ne connaissaient que la basmala à voix haute, lakin, il faut savoir qu'il y a d'autres positions, on leur explique. Et ensuite, tu leur dis dorénavant, inshallah, vous avez compris, voilà, telle est ma position. Si jamais je suis l'imam, je la ferai à voix basse. Il n'y a pas de mal dans cela. Belle, on voit que le prophète, le faisait de cette sorte. Faut leur expliquer, mais la tiyahsan, bihikmah, qu'on veut pas le mal, on est des frères fillahi azawajal, on explique les choses. Il y a une divergence dans l'islam, il faut leur expliquer, mais la tiyahsan. Faut pas non plus se cacher, comme c'est le cas de certains, il reste tout le temps, il le fait à voix haute. Après, c'est la sunna qui va être oubliée. Ça sera encore pire, tu vois. Donc, il faut pas, là, il faudra, voilà, tafrit. Ni être négligent et ni avoir un rouleau. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Sallallahu azzawli anfa'ana wa yakum bima sami'ana. Wa an yaj'alana minal lazina yastabi'un qawl fa yattabi'u ahsana. Subhanak wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.